Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Sur Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir. Blacko. C'est Planet Rap Blacko sur Skyrock. Il est là, il est en pleine forme. Passez une bonne soirée. Bienvenue. Comment ça va, Blacko? Super. Bienvenue dans ce Planet Rap. Deuxième soirée avec la sortie d'album. Ça approche, c'est le 6 novembre. Voilà, 6 novembre. Ça y est. On compte les jours. Ça compte les jours. C'est un album, un bel album avec, on l'a dit hier, avec justement des tranches de vie, des moments de vie. Du positif. Et du conscient. Et du conscient. Voilà, du Blacko, quoi. C'est... On va pouvoir découvrir. On avance avec ça sur la route. On va pouvoir découvrir ça. Ce soir, un invité aussi, je crois que tu avais besoin de réchauffer un petit peu l'ambiance. Exactement. Blacko, il fallait un peu de soleil. Il fallait ramener un petit peu de soleil. Donc ici. On a fait appel au frère Izzy Kenenga. Yes, pour ceux qui connaissent. Izzy Kenenga. Ils vont découvrir. Ça va bien? Bonsoir à tous. Oui, ça va. Très écoute, bienvenue. Content d'être là. Merci Blacko pour l'invitation. Yes, pas de soucis. On va faire les présentations dans un instant. Mais juste avant, on va débuter tout de suite avec le morceau. Hein. On y va, on attaque. Allez, c'est équilibre. Parti. Toujours. Yeah. C'est parti. Boum, c'est extrait de l'album de Blacko. Ça sort le 6 novembre. Déjà en précommande. Dualité. Yeah. Yeah. La vie ne tient qu'à un fil, sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille, dès la naissance c'est un combat qui se livre. Vivre c'est apprendre, être libre c'est comprendre qu'il n'y a que la foi qui délivre. Et personne n'est parfait, des mauvais choix j'en ai fait. Je sais j'en ai conscience mais je ne vis pas dans le regret. Je ne suis pas un ange, non je ne suis pas un démon. Seul Dieu est mes véritables proches, savent si mon cœur est bon. Je cherche l'équilibre entre le bien et le mal. Je n'ai qu'une vie à vivre. Je veux profiter avant le décollage final. On est tous à la quête du bonheur. On cherche tous une vie meilleure. On oublie souvent que la richesse première est intérieure. L'âme a une valeur, à moi d'écouter mon cœur. Je sais que Babylone fera tout pour m'induire en erreur. Si je veux rester solide, je dois continuer à aimer. Garder l'esprit lucide pour ne pas laisser la colère m'aveugler. Prends ce que tu te donnes, donne, sans attendre qu'on te donne, donne le meilleur de ta personne. Moi et celui qui pardonne, rappelle-toi que tu n'es qu'un homme. Avant que ta dernière heure sonne, oh. Libère ta conscience, fais confiance à tes sens. Le malin voudra te tromper, te fie pas aux apparences. Regarde tout a un sens, c'est comme une évidence. Je ne suis qu'une poussière d'étoiles dans un univers immense. Je cherche l'équilibre et si Dieu veut je l'obtiendrai. Mon âme danse sur un fil. Et si Dieu veut, je tiendrai. Je garde les pieds sur terre, mais mon esprit aime s'évader. Entre l'ombre et la lumière, je pars, oui, je me laisse aller. Je laisse mon âme se balader au cœur de l'infini. La vie ne tient qu'à un fil, sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille, dès la naissance c'est un combat qui se livre. Vivre c'est apprendre, être libre c'est comprendre qu'il n'y a que la foi qui délivre. Voilà ce morceau qui s'appelle Équilibre et qu'on peut avoir tout de suite si on précommande l'album. C'est là. Ça, ouais. Donc, et là, on précommande. Ainsi que trois autres titres. Ah, voilà, Rise et je n'ai pas salué Rise, je n'ai pas salué le roi. Comment allez-vous? Comment ça va, Rise? Ça va très bien, très bien. Un peu plus agité qu'hier soir, non? Ouais, un petit peu plus. Bien, j'ai l'impression. Ouais, mais. Tu vois, avec Blacko, on est dans la zen attitude, tu vois. C'est bien, tu as raison, c'est bien. Tu aussi, tu as trouvé ton équilibre. Exactement. Pas mal. Ouais, elle était assez simple, celle-ci. Bon, bah, bienvenue, Rise. Et donc, un invité ce soir, Blacko. Ouais, Ezekenenga. Ezekenenga. Yes, voilà. Kenenga, exactement. Eh ben écoute, bienvenue, parce que je sais que toi, tu fonctionnes beaucoup, évidemment, aux Antilles. Yes. On va retracer pas un petit que, peu. Mais... Pas que, mais notamment, en tout cas, je sais que ça marche fort aussi là-bas. Exactement. Tu nous fais un petit point sur ton parcours, qui tu es. Alors, moi, je suis Ezekenenga, anti-martiniquais. Je fais de la créole pop, donc c'est vraiment un mélange de toutes les influences que j'ai pu avoir. Donc, reggae, raga, dancehall, hip-hop français, rap US aussi. Aussi, la variété française et influencé par Francis Cabrel. Donc, j'ai commencé la guitare. Je me disais, il y a un petit truc. Et puis du coup, je sors mon premier. J'ai fait partie d'un groupe One Day quand j'avais 16 ans. Très tôt, en plus, ouais, très j'avais tôt. 16 ans au lycée, on a sorti deux albums et tout. Ça a commencé à fonctionner aux Antilles Guyane justement. Et moi, j'ai commencé ma carrière solo aux alentours de 2008. J'ai commencé à tourner avec Papa Tank à faire leur première partie. C'est dans ces années-là que j'ai rencontré Blacko d'ailleurs. Pour la première fois. Donc tu l'as connu sous le nom, c'était Africa à l'époque, non? Ouais, Blacko Africa. Il avait travaillé avec Papa Tank. Voilà, ouais, en fait, j'étais là. Et puis moi, je sors mon premier album en 2010, E4Rip. Donc si j'invite les gens dans mon univers, c'est vraiment différentes influences, différentes vibes, avec toujours ces messages positifs, ces messages d'amour, un peu comme dans l'esprit de Blacko et ses messages. Et donc voilà. Petit à petit, ça m'a emmené sur la route et ça m'a emmené jusqu'à l'Olympia aussi l'année dernière. Voilà, et ça continue. Là, je suis en préparation de mon troisième album. Et voilà. On écoutera un morceau d'ailleurs tout à l'heure, c'est un morceau qui s'appelle Truc de fou. Truc de fou, exact. Bon, dédicace au 113 aussi, tu as connu forcément ce morceau. Mais là, c'est un autre genre, c'est une autre histoire. C'est ton histoire en fait. Voilà, c'est un peu mon histoire en tant que Français de Martinique. Donc, outre-mer, c'est comment on m'a parlé de la France jusqu'à ce que j'y vienne faire mes études. Un peu la désillusion et aussi face à la réalité. Et puis voilà. C'est itinéraire, c'est itinéraire et comment j'ai trouvé mon équilibre. Et là, t'es où? T'es plutôt métropole? Enfin, là je suis aux Antilles, entre la Martinique et la Guadeloupe. Mais on continue le travail all over the world. Donc, voilà. Gros big up à la Martinique d'ailleurs. Moi, je suis martiniquais, tu vois. Yeah, man. On va faire un gros big up à tout le monde. Vous en connaissez. Mais bon, j'ai eu l'occasion de tourner aussi au Ghana, au Brésil, au Venezuela, New York, Miami, etc. Donc, on est là. Lourd. Voilà. Vous êtes rencontrés donc en 2008 tous les deux? Ouais, un peu. Enfin, c'était un premier contact. Ouais. Et depuis, vous n'avez pas perdu contact a priori? Non, ouais, on prévoit de faire un morceau pour ces projets. Mon prochain projet. Parce que j'ai demandé pourquoi tu as invité ce soir Ezekenenga, mis à part. Parce qu'on prépare des choses. D'accord. C'est pour ça. Et donc voilà, pour mon prochain projet avec Atrip, toi qui va. Donc, qui est au stade de la préparation, j'ai invité Blacko qui a accepté. Donc voilà, les choses commencent à se faire, les connexions se concrétisent. Donc c'est pour 2016 plutôt, toi, la sortie? Voilà, 2016. Exactement. Et puis on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Voilà, donc c'est Twitter, Facebook, etc. C'est @EzekenenGa, EzekenenGa. Et bah très bien, il y aura du live aussi avec toi, je le disais, un morceau qui s'appelle Truc de fou qu'on balancera. Exact. Guitare-voix freestyle. Parfait. Parfait, regarde. Toi, t'avais quelle image de Blacko? Tu connaissais évidemment Sniper, parce que t'écoutais du rap français aussi. Moi, j'ai connu par rapport à Sniper justement, donc j'avais cette image de beaucoup d'énergie. Et quand j'ai pu le voir en studio, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand il a posé avec Papa Tank, moi j'étais dans la cabine avec lui à le filmer, donc j'ai pu voir le bonhomme en action. Et moi je me suis dit, waouh, quelle énergie, c'est vraiment ce lion dont il parle dans ses chansons, en fait, c'est vraiment lui, quoi. Et puis bon, ce qu'il raconte, c'est ce qu'il est. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Donc. C'est toujours un plaisir de partager la vibe avec lui. Moi je suis content si les gens ils ont cette impression de moi. C'est parfait. Ouais, j'ai demandé, ça te plaît plutôt, ça va? Ouais, exactement. Si on a cette image là de toi, c'est que comme on le disait à l'époque, rester simple, tu vois. Ouais. Pas enjoliver les trucs, rester normal et voilà quoi. Et bon, on va découvrir encore un extrait avant de passer ton morceau Truc de fou là dans quelques minutes. On fera aussi dans un instant un petit, parce que ce soir un petit peu évidemment ensoleillé, on fera un petit blind test Caraïbes dans quelques minutes. Aïe, aïe, aïe. Qui va vous opposer tous les deux, et Rice. Okay. Tu veux te mettre dans une équipe en particulier ou pas? Ah non, tu veux jouer en solo aussi? Il a son propre corps. Non, mais tu sais, je me méfie toujours. Le problème, c'est que c'est les DJ, donc ils ont forcément plus de sons. Bon, je dis pas que t'en as pas en tête. Non, on va les laisser tous les deux alors. Non, si tu veux participer, c'est jamais. On va pas t'exclure quand même. Ok, ça va. Merci. Vous allez voir, c'est très simple. Ça va pas être très compliqué à mon avis. Ouais, mais pas du Francky Vincent. Est-ce que c'est mon genre? C'est bagarre. C'est mon genre. Ne bougez pas dans un instant. Le blank Francky Vincent. Big up à lui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu cette histoire qui est terrible. Enfin, en même temps, la fin est terrible. Vous avez pas vu cette histoire là dernièrement? Non. Un mec qui est jugé actuellement parce qu'il avait trouvé la photo de Francky Vincent dans le sac de sa femme. Il a cru que c'était son amant. Il a buté sa femme. Quoi? Non, mais juge, je fais pas des conneries. C'est pour ça que la fin est horrible. C'est horrible parce que la fin est terrible. Et... Non, c'est terrible parce qu'il a vu une photo de Francky Vincent. Il a dit t'as un amant. Mais qu'est-ce qu'elle faisait avec la photo de Francky Vincent? Elle aime bien, c'est comme bien si une fan à toi, elle a une photo de toi d'un... Ça devient dangereux ces trucs aussi. Francky, qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, on salue la mémoire de cette femme, parce que évidemment la fin de l'histoire est triste. On aurait mieux aimé que ça se termine mieux, mais c'est vrai. Force à Francky Vincent alors. Et Francky Vincent qui a pour le coup rien à voir dans cette histoire, mis à part s'être trouvé dans le mauvais sac au mauvais moment. Voilà. Bon, on écoute. Tout le monde est choqué. Allez, choquer l'histoire. Les rames. La fin va être dure. Allez, basculons plutôt sur un morceau qui s'appelle SOS. Voilà. Très bien. Voilà, c'est un extrait du projet de Blacko. Voilà, toujours. Yeah. Dualité 6 novembre et c'est un état des lieux de cette planète là en 2015. Et voilà quoi. Un SOS que je lance moi-même et j'invite les gens à envoyer le leur aussi parce qu'il serait temps quand même. Voilà. Ah, ce serait bien d'y aller vite. Ouais, parce que ouais. T'as écouté un peu l'album en entier ou juste des petits bouts de. Mais celui-ci tu connais pas alors peut-être. Non. Et voilà, on va le découvrir tous ensemble. En direct. Le morceau s'appelle SOS. Boum boum boum. Dualité le 6 novembre. Yeah yeah. L'humanité perd sa moralité. Ferme les yeux une seconde et laisse tes sens te parler. Oui, nous vivons sur une bombe que nous avons nous-mêmes amorcée. Oh non, que Dieu ait pitié de nos âmes. Prions pour que ça change avant que le ciel ne se venge. Entendez-vous pas là? Échéance. Nous n'aurons pas droit à une seconde chance. Non. J'ai bien peur que tout ça ne soit qu'un leurre. Certains écoutent plus la télé que leur propre cœur. Le monde va de mal en pire. Les arbres tombent les uns après les autres. Et le diable est en son empire. Il semble le cancer de cette planète, dirigé par des politiciens malhonnêtes. Et ne sentez-vous pas que le monde va mal? Oh yeah, yeah. Le monde tourne à l'envers. Nous prenons le chemin pour l'enfer. Non. Tout devient immoral. Allons-nous regarder mourir notre mère? Le monde est malade et on le regarde mourir. Planète Rap avec Blacko et ce morceau. Ouais. Voilà. Morceau qui s'appelle SOS. SOS. Par Blacko. Voilà. À l'instant que vous retrouvez sur le morceau, sur l'album. L'album qui sortira le 6 novembre. Le 6 novembre. Qui est dispo sur iTunes déjà. Voilà. C'est bien, c'est bien. Titres, le slogan. Dès que vous l'achetez direct, il y a 4 titres. Il y a 4 titres, on le disait, il y a Le temps est compté, Accroché à mes rêves, Équilibre et Que Dieu me pardonne. C'est ça. Exactement. C'est 4 morceaux que vous avez directement si vous le précommandez. Voilà. Donc voilà. Maintenant. C'est plutôt une bonne chose. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts tous les trois pour le petit blind test Caraïbes? Allez, on est prêts. Blind test soleil. On a peur des sons. Après, moi, je te cache pas que je suis un peu un entier truqué, moi. T'as vu, j'ai pas. Commence pas à te défausser. T'as dit que tu voulais jouer, tu commences à dire ouais, bon. C'est quoi déjà un entier truqué? C'est quoi? Non, mais dans le sens où. Je sais pas, j'écoute pas trop, tu vois, de zouk, tout ça. Mais ça, déjà, c'est pas que ça qui fait de toi un entier. Et déjà, est-ce que tu crois que ça devait être que du zouk? Ah! Non, c'est, quand on parle des Antilles, c'est au sens large. Ok, ça va. Large. On peut même peut-être aller en Jamaïque. Enfin, aller loin, on va voyager. Les Antilles en Jamaïque, allez. Ça va. Non, quand je dis ça, voilà. Okay, tu vois, c'est très gentil. Allons, on y va. Les Caraïbes, c'est plutôt d'ailleurs Caraïbes plutôt qu'Antilles. Voilà, Caraïbes. C'est plutôt un blind test Caraïbes que on sait. Parti. Si tu préfères. Donc là. Ok. On est dedans. Par exemple, premier extrait qui sera le plus rapide. Attention, coup d'envoi. Face à pays là. Ah ouais. Oh non. Ouais. On va se faire botter les. On va se faire botter aussi. Avec Admiralty Kassav. Admiralty Kassav. Ah ok, voilà. Ouais, Admiralty Big Up. Big Up. Kassav Big Up. Le premier point est pour. Il y a un potentiel. Ah, t'inquiète pas. Un petit mot aussi bien pour Admiralty Kassav. Big Up, c'est du Foundation concernant. C'est Kassav étant les stars. Depuis des années. Admiralty étant le fer de lance de la scène reggae dancehall aux Antilles et française, à mon sens en tout cas. Donc voilà, c'est une espèce de rencontre de bonnes générations. De stars, quoi. Ouais. Et de générations aussi. Donc c'est un morceau qui nous a marqué. Donc voilà, big up Admiral, big up Kassav. Big up, un grand respect Kassav. J'aime bien parce que ça m'ambiance, tu vois. Après, moi, c'est La Réunion, c'est un autre univers encore. C'est autre chose. Et Admiralty, ouais, gros big up parce que c'est un artiste bourré de talent et voilà quoi. Donc big up. Bon, premier point. Je suis désolé, il est pour Rizik et Nanga. Ok, on va se concentrer. Attention. Attention. Deuxième extrait. Ah là, c'est vite en plus. Attention, ça peut aller très vite celui-ci. Bob Marley, Could You Be Love. Celui-là, je pouvais pas. Ah, ça, j'aurais perdu. Ça, c'était le point pour Blacko celui-ci. Ah oui. Mais il a un collab sur ça. Ça, c'est mon mentor. Laissons glisser un petit peu ce Bob là. Pour ceux qui ont besoin de soleil, prends-en un petit peu, c'est maintenant. Yeah, and be love. C'est ça. Could you be love? Robert Nesta Marley, Bob Marley, pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas. Ah oui. Le point va forcément donc à Blacko, hein, mais on en a parlé hier de Bob Marley, c'est évidemment une référence. Ouais, c'est The référence pour moi. Ouais, c'est The référence. Et même avec lui, j'endors mes petites filles. Tu vois, quand ça crie trop là, ouais. Tu mets un Bob Marley pour les parents là qui arrivent pas, petit qui sont conseil débordés de Blacko. Si vous êtes débordé par des enfants qu'on dit quoi, l'hyperactivité, ça existe, c'est pas vrai ça. Vous mettez un Bob Marley, c'est fini parce que One Love, ou Jalive. Ouais, j'ai demandé les morceaux, principalement les morceaux toi qui tournent le plus de Bob, c'est. Moi, depuis tout petit, mes deux préférés, c'est Forever Loving Ja et Real Situation, qui était sur l'album Uprising. C'est cet album-là que j'ai pris en premier, j'avais 6 ans, je crois. Et depuis, c'est ces deux morceaux-là que je traîne partout. Easy, toi, t'as des préférences des morceaux de Bob? Moi, c'est No Woman No Cry et John aussi. Positive Vibration. Bien, yeah, man. De toute façon, Bob Marley, il a un tel catalogue. Il y a tellement de morceaux. Bon, le point va à Blacko. Voilà. Et toujours pas de point, mais je ne désespère pas. Celui-ci, je pense que le point est pour Erase. Ah, attention. Je commence pas à me mettre bien. Je si, écoute. Zouk Machine. Zouk Machine. M'a mis dedans. Putain, même pas Erase. T'as pas pris le point. Merde. Est-ce qu'on peut dire alors, ça c'est un morceau de Zouk Machine qui date des années 90, hein, si je dis pas de conneries, qui a été repris. Est-ce que c'est un morceau marquant ou pas quand même pour eux? Oui, marquant. Vraiment? Ouais, bah, avec aussi le clip, parce que pour nous c'était, enfin pour moi en tout cas, c'est l'une des premières fois que je voyais un clip aussi bien fait avec, voilà, avec des gens de chez moi, quoi. On dit, et puis c'est un clip marrant avec un peu l'image du gars de Kodak, un peu comme pour ceux qui se rappellent de cette pub. Mais moi ça m'a manqué ce morceau et je pense qu'il a manqué. C'est grave. En tout cas, le point va une fois de plus à Isaac Kamanga. Voilà, 2-1-0. Il en reste un petit pour essayer de revenir. Il en reste 2. Okay. Ah, il en reste 2 et tout se jouera sur le dernier extrait. Je coupe mon casque. Alors attention, quatrième extrait, c'est parti. Ah, ça. suis Marley. Damien Marley. Damien Marley, ouais. Ok. J'ai dit Marley, mais. Ok. Le fils. Eh, le fils, c'était pour aller dans la continuité de Bob, évidemment. Ça, c'est moi, aussi un morceau. Sur le daron. Ah ouais, ouais. Le fils, t'as pas touché, toi? Non, pas trop. Ce morceau, non? Kimani, que j'aimais bien un peu. Ouais. Parce qu'il avait un peu le grain de voix du papa, mais. Tu Bob, il reste. Et celui-ci, reste non Bob. Par exemple, si, ouais, mais moins Welcome que to Jamrock. Moi, c'est Bob. Lui, l'enfant prodige de Bob. Ouais. Ouais. Donc, ouais, le point, je suis désolé, va une fois de plus à Isaac Enanga. Pour toi, t'as été. T'es presque. J'étais en. Alors, c'est quoi? On remet les compteurs à zéro. Le mieux, c'est que t'es grande classe, Izzy. T'as pas peur de perdre, toi, t'es un mec sérieux. Le dernier, là, c'est. Ça, c'est le dernier. C'est-à-dire que celui qui trouve cet extrait. Ok. Je coupe mon casque. Non, reste. Casser le bouton. Ok, c'est faire plus. Attention. Bon, alors, attendez deux secondes. Dernier extrait. Ah bah le voilà, Francky Vincent. On l'a dit presque tous en même temps. On l'a dit tous en même temps. Allez. Il a dit Franck. Le point, vous savez quoi? Et pour vous tous, bravo. C'est vous les gagnants. Vous êtes pour la première fois à ce blind test, trois gagnants. Avec précaution. Ouais, non, mais c'est pareil, c'était pour revenir un petit peu aussi sur Zouk Machine. C'est des morceaux qui ont été aussi ultra populaires en métropole, je dis ça, des morceaux comme Francky Vincent. Est-ce que c'est pas trop des caricatures non plus? Est-ce que comment on le vit justement quand on est. Ben aujourd'hui, on le vit peut-être un peu comme ça parce qu'il y a l'accent que sur ça. Mmh. Mais comme je disais, même si on peut s'en moquer, mais on peut pas. C'est des gays, ils ont mis la lumière sur nous au final à un moment, et c'est ce que j'essaie de dire. Après, faut pas. Ce que moi je pense qui est dommage, c'est que ça, en fait. Voilà, moi je pense que c'est ce qui est dommage, la musique antillaise en tout cas, c'est pas que du zouk, c'est pas que Francky Vincent, c'est pas que Kassav, c'est plein de choses. Moi par exemple, je fais de la créole pop, c'est bien parce qu'il y a plein d'influences, on a des rappeurs, on a des chanteurs. Bah oui, vous êtes au carrefour de plein de choses, voilà, en fait. Un carrefour de culture, que ce soit géographique, que ce soit historiquement aussi, et donc aujourd'hui, c'est vraiment porté comme une espèce de force plutôt qu'une faiblesse, quoi. On est créole, on va chanter en français, on va chanter en anglais, on va chanter en créole, sur du trap, sur du zouk, sur du tout, et il y aura pas de problème avec ça. Un petit mot aussi sur les sons réunionnais, justement, les artistes réunionnais. Il y a des gens que tu suis beaucoup aussi, toi, Blaco. Ce que je suis le plus près là, c'est Pixel. Big up à Pixel. C'est un petit jeune qui a un potentiel énorme. Il peut chanter en créole, en français, rapper, chanter. C'est un 4-4. Il y a Caf Malbar aussi à La Réunion qui fonctionne pas mal du tout. Moi j'aime bien aussi Skyron là aussi. Ouais, Skyron aussi. T'as Malkidja, t'as différents. Mais Pixel, ça Pixel. Pixel, c'est vraiment, il fallait guetter Pixel. Il y a une connexion aussi qui va se faire bientôt pour du côté de La Réunion là-bas avec lui. Moi et lui, donc voilà. Big up Pixel. Et on suivra ça. Pixel. Dans un instant, on va revenir. On mettra un son de Blaco et puis on mettra aussi, je disais, le son de Izzy Enanga qui s'appelle Truc de Fou. Le son de Blaco, ce sera Je suis ce que je suis. Exactement. Et bougez pas, dans un instant, le retour. On vous attend aussi pour faire tourner la roulette. N'hésitez pas à vous inscrire 41759. 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone pour vous inscrire et repartir avec des places. C'est pour Youssoupha. Ladies and gentlemen, 20h-21h, Planet Rap reçoit Blaco. Blaco sur Skyrock, et puis la tournée de Blaco aussi qui débutera, enfin qui continue d'ailleurs le 6 novembre, c'est à la Cigale de Paris. C'est ça. Jour de sortie. Le jour de la sortie, ouais. Le 13 novembre, c'est au Havre, le 20 novembre à Beauvais, le 21 à Nancy, le 28 à Oigny, le 3 décembre à Lyon, le 4 à Esch sur Alzette. J'espère que je prononce bien. Esch sur Alzette. Esch sur Alzette. Le 11 à Angers, le 12 à Rennes, le 18 décembre à Istres, le 22 janvier à Lausanne et le 29 à Chambon-Feugerolles. C'est ça. Et puis il y aura aussi forcément d'autres dates. Ouais, les festivals CD. Les festivals CD, on verra. Izzy Enanga, écoutez dans un instant qui est ton invité ce soir. Mais là, on avait promis aussi un de tes morceaux, c'est Je suis ce que je suis. Voilà, ouais. Allez, c'est parti. C'est l'extrait du projet qui sort le 6 novembre. Boum, boum, boum. Braco. Hey, it is a brand new thing. Oh, hey, one. Dualité le 6 novembre. Oh, oh, oh, oh. Paré, pas paré. Let's go. D'escalier du quartier. Remember. Personne n'aurait pensé qu'un jour ce serait des disques d'or qu'on ramènerait. À l'époque on s'en foutait, on voulait juste kicker, tout niquer, on kiffait. Un stylo, du papier, pour refaire le monde c'était tout ce qu'il nous fallait. Je rêvais de réussir, je n'ai rien laissé me décourager. Mais les galères j'ai dû franchir, chanter m'a toujours soulagé. Je me suis mis à l'écrire, pour moi c'était aussi par nécessité. Cela m'a permis de ne pas tenir les murs de la cité. Travestir, sous prétexte qu'ils ont des thunes à investir. Je préfère les avertir, je ne chanterai ni pour amuser ni pour pervertir. Je ne baisserai pas mon propre pour plus de notoriété. Je ne vais pas dans la science-fiction, je préfère la réalité. Je rêvais de réussir, je n'ai rien laissé me décourager. Les galères j'ai dû franchir, chanter m'a toujours soulagé. C'était aussi par nécessité. Cela m'a permis de ne pas tenir les murs de la cité. N'essayez pas de me changer, je suis ce que je suis. Je tiens à le 6 novembre, dualité. Le 6 novembre, yaya. Dès maintenant dispo. Ah oui. Alright. Dualité, c'est l'album et ce morceau, je suis ce que je suis. Voilà. Blacko. Une espèce de trait pour trait 2, si tu veux. Ouais, c'est. Ouais, pour dire que ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas. De 2006 à 2015, 16, 17, 18, 20. Ça ah bah c'est vrai pas. Qu'en même temps, quand on prend tes morceaux, tes textes, il y a une continuité, ça c'est sûr. Il y a pas de. Ouais, je vais pas plus loin que. Enfin, c'est pas par égocentrisme que je dis ça, c'est que je vais pas plus loin que moi-même, en fait. Je fais pas des fictions ou chercher des trucs. J'écris ce qui me touche vraiment, ce que je ressens vraiment, ce que j'ai envie de dire vraiment. Et voilà, après je le mets en musique. Je suis ce que je suis à la prod. On retrouve Rise. Très modestement. Très modestement. Normal. Ouais, tranquille, ouais. Comme une bonne partie d'ailleurs des morceaux de l'album sur les prods. Hein. Ouais. Moi c'est au feeling en fait. C'est pas au nom, tu vois. C'est pas parce que le compositeur il a un big nom et qu'il a déjà fait des gros trucs. C'est plutôt au feeling, on s'entend bien et sa manière de bosser, je kiffe bien aussi. En fait, j'essaie de le suivre. J'essaie juste de le suivre aussi lui. Tu vois, comme il a son idée. Parce que lui, il fait des sons aussi, il parle lui. Il fait des gros sons. Il veut pas découvrir bientôt. Ouais, alors, ils sont pas sur l'album. Non, je bosse encore. C'est un deuxième album à faire derrière. Là, j'en avais fait dans Sniper. Mais je m'étais jamais mis en avant en tant que compositeur. J'avais fait des sons. Mec, il a fait des gros hits. Des traits pour traits. J'en avais fait quand même. T'as fait des hits que les compositeurs de maintenant, ils ont toujours pas fait. Et après, t'as laissé un peu tomber la prod justement ou t'avais toujours ça, non? Tu peux pas être à fond dans les deux en fait. Mais pour le prochain album, s'il y a un autre qui se fait, j'ai envie de le faire. Tu vois, ah ouais. De faire au moins la moitié de mes prods, j'aimerais bien arriver à faire ça. Et Rise, désolé. Hein. Et non, Rise sera là pour. À bientôt. Rise sera là pour valider, tu vois, m'aider dans le truc. Tu vois, bosser l'album ensemble en fait. Quoi. On va mettre deux, trois caisses. Et badabang. Voilà. Et badabang. Voilà. On passera le morceau d'Ezzy Kananga dans un instant. Okay. J'ai pas parlé du téléphone, mais il y a le téléphone de Blacko pour le joindre en permanence. Ah bah tiens. 06 71 74 84 15. C'est allô, allô, allô. Voilà. Encore ? C'est qui ça ? Elle a dit Blacko, je te passe mon fils. C'est pas. Ah ouais. Ah mais hier ça a coupé. C'était vous qu'on a eu hier ? Salut Sofiane. Je pense qu'il faut que tu lui chantes un truc pour endormir le gosse. Tout à l'heure tu parlais des enfants. Je crois qu'elle ne s'en sort pas avec son gosse. Sofiane. Ils sont dans un hall là. Ah, bah c'est pareil. Je sais pas si c'est le même qu'hier. Ça doit être le même. Tu vois, c'est le même. Il est tombé dessus au hasard, il décroche au hasard, il retombe encore sur le fils de la personne. Non, mais ça nous est arrivé avec Karine cette semaine. Et la semaine dernière, attends, deux fois de suite, le mec a réussi à joindre le. Gros big up, Sofiane. Tu m'entends? Ah, il s'appelle pas Sofiane, hein? Ouais, je sais pas, j'ai cru entendre quelqu'un, Sofiane. C'est quelqu'un d'autre. Hein. Si c'est pas Sofiane, excusez-moi. Un gros big up à toi, le petit frère. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. En tout cas, pour Jean de Blaco, c'est 06 71 74 95. Si vous voulez Jean de Blaco à n'importe quel moment de l'émission. Je vous présente aussi Léonard du Havre par téléphone. Salut Léonard. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Il y a Blaco qui débarque le 13 novembre près de chez toi. Ouais, j'ai vu ça. Au Magic Mirror. On sera là avec l'équipe. Eh bah très bien. Bienvenue dans ce Planet Rap. Toi, tu viens rapper dans l'émission. Merci à toi. J'ai pas compris. Tu viens rapper dans l'émission? Ouais, je vais faire un petit couplet. Eh bah c'est parti. C'est parti. Coup d'envoi, freestyle par téléphone. Blaco. Bon. Je veux écrire mon histoire, mais je fais trop de fautes de rature. Dans ma tête, c'est le brouillard. Y'a tout le monde s'est mis à la fiche, j'ai fait divers, vert. Toujours posé devant plein d'eau, un parfum spécial. Toujours la routine, mon gars, je suis jamais seul. Y'a toujours chez Tan Tijac. Quand je rappelle, le time, dit Léonard, vas-y, je kiffe ça. Ils achètent des bouteilles, j'investis pour la mi-faublesse. Je pleure des courses des darons, les mecs de putain en clip. J'ai perdu des vies trop chers. Comment je fais pour trouver le sommeil? J'ai pas pu leur dire que je les aime, on réalise, mais non, c'est trop tard. J'ai vu des hommes réels. J'ai une femme, j'ai même vu des hommes enceintes. C'est de ma place que je vous montre à la fin du monde. Arrive à Trampa. Y'a pas plus ghetto que Saïsaï de Chicago. Y'a pas plus vrai que Fiao de Chicago. J'détaille au hard. Dis-moi, tu veux pas de la maille. J'suis pas assez bavard. Y'a des latas qui veulent ma défaite. Ok, à l'instant, Léonard du Havre énervé. Merci à toi, Léonard. Big up. Petite dédicace, on peut te retrouver, vas-y, balance. Dédicace à toute la MIF, dédicace à tous les gens du Havre, dédicace à Vivive, à Kevin ses photographies, à la famille, à Siao, à Doudou, à Index, Los Grumos, le Ghana, on est ensemble. Merci à toi. Yes. Merci. Ciao, passe une bonne soirée. Blaco avec nous entre 20 et 21. Et puis un invité, on le disait, vous avez aussi d'autres choses en commun parce que vous avez commencé très tôt la musique tous les deux d'ailleurs. Ouais. C'est passé 4 ans. 4 ans, ouais. Première fois que tu touches une guitare. Guitare, ouais. Mais c'est quoi, t'es une famille de musiciens aussi? Ben ouais, ma mère, elle jouait à la guitare et moi, je la tannais pour avoir une guitare. Mon père était régisseur d'une salle de spectacle. Ah, ça aide un peu. J'ai vu pas mal de concerts, d'opéra, etc. Tu te souviens justement de la première claque musicale que t'as pris? Enfin, le premier souvenir musical, hormis le côté guitare et la famille? Le premier souvenir musical, je dirais que c'était un concert de Metal Sound en Martinique, ah ouais. Je me rappelle. C'est des chansons que j'entendais beaucoup à la radio, qu'on écoutait chez nous, et je voyais pour la première fois les gars chanter ça avec toute cette pression qu'il y a en live. Et moi, j'étais assez jeune, bon, j'étais là avec mes grands frères justement, et je me rappelle, ça m'avait déjà donné envie à l'époque de peut-être pas forcément de chanter, mais de participer aller, à ça. Participer. Ouais. Bon, ben, rentrer tôt aussi dans un groupe à l'âge de 14 piges, hein, le premier groupe, c'est le ça. Le groupe One Day, exactement. On a pu faire nos premières expériences aussi en studio. On a commencé par le live, parce que moi, c'est pas ça qu'on aimait. C'était plus l'époque des sound systems où c'est le live qui donnait un peu la crédibilité. Donc nous, on a commencé par le live, les fêtes patronales, etc. Mais il faut dire que le sound system, c'est quelque chose culturellement qui est assez incroyable, justement. C'est Moi, j'ai pris mon micro la première fois dans un sound system chez des amis, voilà, où c'est le père guitariste qui me dit, mais vas-y, prends le micro, tout fébrile, c'est à peine un texte écrit et demi dont je me rappelle à peine. Ça dure peut-être 30 secondes, mais c'est une espèce de sensation où on a envie de revivre ça encore et encore. Et puis, tu le vis en tout cas. Il y a beaucoup de concerts. T'as des dates aussi à annoncer, toi, ici? Eh bien, là, j'ai une date à Paris. Ce sera au Parc Floral de Paris, si je ne m'abuse, le 31 27, octobre. Hein. C'est le Black Genius Festival. C'est un festival et il y aura Lino aussi. Ouais, Sonic. Voilà, exactement. Donc, c'est la prochaine date à Paris. Sinon, comme on est en préparation, on prépare les prochaines tournées, on va dire, internationales aussi. On a un zénith de prévu aussi, donc on verra. Et en attendant, donc il y a un morceau qui s'appelle Truc de Fou qu'on va écouter maintenant, et puis surtout un album qui est en préparation pour 2016, c'est ça? Exactement. On écoute ce morceau Truc de Fou. C'est parti. Let's go. Vous allez pouvoir découvrir Ezi Kananga, c'est lui. Paris. chaud sur le 1-4-1. Yeah, man. Plusieurs questions peuvent être un casseur. J'ai 10 ans et déjà beaucoup de choses me dépassent. J'apprends l'histoire d'un pays qui me paraît si loin, et selon certains ne serait pas le mien. Dans les bouquins je ne trouve quasiment rien sur l'endroit d'où je viens. Avec mes camarades de classe, on parle créole à voix basse. Parce qu'il y a du nom créole, c'est pas bien nec qui pas fait l'école. J'apprends l'histoire des grands hommes de ce pays lointain, qu'il me sera plus difficile de suivre les mêmes chemins. Certains disent que mon teint serait un frein pour aller loin. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Oh, oh, oh. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Oh, oh, oh. Voilà deux mois que j'ai pris mon envol vers cette métropole, éduqué sur les bancs de l'école. J'ai 20 ans et le seul bémol, c'est cette drôle d'impression tenace et folle d'être un enfant illégitime de cette mère patrie, à propos de laquelle je me rappelle avoir tant appris. Et en contrepartie, semble faire fi d'une partie de l'histoire qui nous lie. Serait-ce une méprise? Mes enseignements auraient-ils manqué de franchise? Yeah. Vu que certains me disent, sache d'où tu viens pour être sûr de ce que tu vises. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Oh, oh. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Oh, oh. Même si il reste beaucoup à faire, je me dis que si je veux avancer, je ne peux pas vivre dans le passé, même s'ils ont voulu l'effacer. Aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis. Le passé est derrière, mais ne tombera jamais dans l'oubli. Même si les choses ont changé grâce au combat qu'on a été mené, le chemin a été tracé. Le combat ne fait que commencer. On sait que y'a le cap à les foncer. Wada, Madilina, Zamalia, Guyana. Tout à coup, un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire, on m'a caché un grand bout. Oh, oh. J'ai le ressenti un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup. Un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire, on m'a caché un grand bout. Oh, oh. Ah, ça chante, hein? Ça chante, hein? Ezekiel Anga, truc de faux. Si je peux me permettre, vas-y. La sortie du DVD de mon Olympia qui sort le 4 décembre. Donc 4 je décembre. Je sais pas si j'ai dit une bonne phrase, mais ouais, en gros, faut annoncer la sortie de mon DVD de l'Olympia c'est le 4 décembre. Voilà, ça s'appelle Ezekiel Anga, l'Olympia. Ah là, exactement. Voilà. Et bah, très bien, donc à partir ceux qui connaissent pas, allez regarder, allez cliquer, vous allez prendre une bonne vibe et voilà. Good, good, good vibe. Est-ce qu'on peut prendre une autre bonne vibe maintenant en live? Ouais, guitare trip. C'est du guitar trip. Magnifique. Nous on aime bien ça, tu vois. Et bah quand vous voulez. Ouais, tu peux prendre pour la guitare, vas-y. Hop, on s'installe. Et Rise. Une petite musique d'attente en attendant. Yes, laisse les professionnels faire. On s'installe. Vas-y, tu rentres ce que tu veux, comme tu veux. C'est pas prévu, c'est sans filet. C'est comme ça. Eh bah c'est du live maintenant. Voilà, c'est du live. Ça s'appelle un bœuf. Et ça sera un oiseau ce soir. Yep. Original Black O, Easy Kenanga, Planet Rap, yeah. Oh, yeah. Again and again and again, yeah. Yeah. Again and again, yeah. Yeah. Une dédicace pour mes soldats, pour mes rarias, pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias, pour tous ceux qui tracent les routes, Malgré les embûches et les doutes, une dédicace pour mes soldats, pour mes rarias, pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias, pour tous ceux qui tracent les routes. Malgré les embûches et les bouts, big up à ceux qui font tout pour garder l'équilibre dans ce monde fardé où nous ne sommes pas si libres. Des honnêtes gens qui attendent. Des soi-disant minorités visibles, ceux qui suscitent leur champ des possibles, qui survivaient pour que rien ne paraisse impossible, ceux qui gardent espoir, se rendaient dans le noir, continuent à y croire. À du jeune vieux ou gamin, en action de l'apathie, maintien positif jusqu'à la fin, une pleine courage à demain, au masculin comme au féminin, big up, soldats du bien qui se battent le jour au présent en pensant à demain. Pour mes rarias, pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias. Pour tous ceux qui tracent les routes, malgré les embûches et les doutes, une dédicace pour mes soldats, pour mes rarias, pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias. Blanco Idi Kenenga, Blanco Idi Osa. C'est pour nos guerriers, c'est pour nos soldats. Même sans papier, sans stylo, moi je viens chanter ça. Un accord de guitare et je suis tipa. Oh, t'as reconnu la voix, même dit day day day là-bas. Même si ça bug, c'est pas grave, je vais me relancer. T'inquiète, il fallait un peu de vibe dans le rap français. Je vois que tout le monde avance avec les sourcils français. Détendez-vous, détendez-vous, voici un peu de reggae. Pour nos soldats qui charbonnent tous les jours, ceux qui se lèvent le matin mais qui le font par amour. Le baume au cœur. On éduque les petits frères et sœurs, on n'est pas là pour s'énerver. La musique détend les mœurs. Oh, oh, on n'est là pas là pour s'énerver. Juste on chante ce qu'on a sur le cœur. Ça c'est pour mes soldats. C'est pour mes rarias. Pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias. Pour tous ceux qui tracent le route. Malgré les embûches et les doutes, une dédicace pour mes soldats. Pour mes rarias. Pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias. Pour tous ceux qui tracent le route. Malgré les embûches et les doutes, on a pris l'entrée d'en rêver, tenter de mesurer les risques. On en a beaucoup parlé, ça nous semblait irréaliste. On a déjà traversé des moments de joie, d'autres plus tristes. Le chemin tout tracé, on a fait des lampistes. On a su s'entourer de nos alliés. Les galères nous ont liés, même effrayés, on s'est frayé. Un chemin pour briller, le très haut comme bouclier. On a plié, mais passé des puces pour lier. Tellement de choses pour nous faire des billets. Tellement facile de s'éparpiller. Mais d'où on vient, on n'a pas oublié. On sait où on va, et c'est pourquoi on continue. Avec la même détermination que début. Ça bougera pas. On continue. On fait preuve de courage et on garde le même but. C'est pour mes soldats, mes rarias. Blacko, Easy, Kenanga, Idiosa. C'est pour nos soldats, ceux qui avancent, ceux qui ne plient pas. C'est souvent difficile, mais on ne casse pas. On ne s'attache pas à toutes ces choses qui ne comptent pas réellement pour nous. Parce que nous, on sait, on avance même sur les genoux. On sait qu'il y a quelque chose de plus haut que nous. C'est pour les soldats, ils sont tous près de chez vous. Wow, yo, wow. Pour mes soldats, pour mes soldats. Tout ce dont on ne parle pas dans les médias. Pour tous ceux qui tracent les routes. Malgré les embûches et les doutes, Blacko Idi Kenenga, Idi Osai, La Réunion, Madinina, oui, on est là, Planète rap, ça là c'est pas du scrap, c'est du reggae dancehall, ouais, Idi Osai, tout comme mettez fire, Blacko Idi Kenenga, Madinina, Descends doucement, garde les mêmes accords. Le froid revient, je suis là sur le béton galérien. Envie de voir autre chose, envie de partir, refaire refler en ma rose, t'as compris. Moi le béton ça me fatigue, les tours vers le ciel ça m'intrigue. Besoin de voir autre chose, me barrer, remonte un peu s'il te plaît. Si t'es dans ta voiture ou même chez toi, on va te réchauffer si t'as trop froid. Si tu vois que le ciel est gris par la trefnée, t'inquiète pas, on va te montrer comment on fait pour faire rayonner le soleil dans le cœur. Y'a pas de problème, je fais ça à n'importe quelle heure. Petit gant, mais je suis comme un gladiateur. Lorsqu'il faut que je prenne le micro et chanter avec mon cœur. Oh, soldats, pour mes rarias, pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias. Pour tous ceux qui tracent les routes, allez les embûches et les doux. Tell me, if you ready à faire partie d'une armée qui défend bien plus qu'une partie. Follow me, if you ready. Tout le monde peut en faire partie. Les hommes et les femmes, les grands et les petits. On combat sur différents champs de bataille. Le secret de nos succès reste le travail. Fight que vaille, où qu'on aille. If you really ready to fight, get ready to go. Aïe, aïe, aïe, c'est aïe aïe aïe. On a nos cœurs comme leader, nos rêves en guise de moteur comme allié des frères. Ouais. C'est aïe aïe aïe. Blacko, Heidi, au ça que nous c'est ça. Et hey, hey, hey, hey, notre mission à nous, c'est pas chanter pour rendre les gens fous. Non, non, c'est déjà trop flou ici-bas, donc on continue. La fleur au fusil, on mène notre combat. Des accords de guitare, une spéciale pour ceux dans les hôpitaux et ceux au mitard. Nous on chante avec le cœur et tu le sens. Oh, oh, on chante avec le. Attends, attends, attends, attends. Eh petit frère, eh eh. Sur les sites je laisse des commentaires. T'écoutes ces rappeurs qui veulent tous se faire la guerre. Eh eh, moi je les laisse tous faire. Détends-toi, ah, relaxe-toi, ah. Regarde bien, surtout n'oublie pas, ah. Eh eh, y'a du reggae music pour égayer un peu tout ça. Eh, on est des soldats, ah. C'est pour mes soldats, pour mes warriors, pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias. Voilà, c'est pour tout cela. Yes, I yes. Guitare trip. On a une autre, voilà, on a un autre accord. Voilà, nous on est comme ça. Ça va les gens ou pas derrière? Ouais. Est-ce que vous êtes chauds? Ouais. Eh, eh, eh, eh, eh, on va chanter pour calmer tous les enragés. Ah, ah ouais, ouais, ouais. Et pour mes petits frères qui sortent dans le quartier, qui sont là sur terre, terre. Avec leurs armes de guerre, avec leurs sourcils froncés, ils sont trop déter. Calmez-vous, repensez à vos parents et ce qu'ils ont fait avant de venir ici dans les bâtiments. Le voyage qu'ils ont fait pour venir ici, ne crois-tu pas qu'eux aussi étaient dans la Zermie? Est-ce que tu m'as compris? On n'est pas plus mal ici qu'ailleurs. Est-ce que tu m'as compris? Il y a des gens qui vivent dans des vraies douleurs et des gens des vraies tribulations. Et je te dis ça en improvisation. Et c'est juste un guitar trip sans prétention. C'est juste la bonne vibration. Et ça me fait kiffer. One, one, c'est comme si mi wa le soleil brillait. One, Blacko Easy Kenanga, on vient chanter. Pour calmer les enragés, enragés. One, one, ouais, eh, eh. Aujourd'hui j'écoute le rap de la même manière que mon daron. J'avais 20 piges, quelques ans, je faisais trop le fanfaron. Le papa aujourd'hui me regarde, aujourd'hui t'as compris. Cette musique dégage trop de haine et trop de mépris. Donc moi je prends le micro pour de la calmitude. T'inquiète pas frère, moi c'est la zénitude. Allez viens on grimpe, on va prendre de l'altitude. Et rendez-vous sur iTunes. Ah ouais, ouais. Laisse à nous chanter, hey. Nous c'est avec le cœur qu'on fait. Qu'on voit les salles pleines, les gens rassemblés, qui allument leurs briques. Ça nous fait kiffer. Et on n'est pas là pour briller. Et de toute façon y'a le soleil qu'il fait. Et t'as compris notre vibe. Easy Kenengas, hey. Spiritual team, ah ouais. Hey, nous sommes de fiers guerriers, de lumière et comme bouclier du Almighty Father. Par les good vibes on est liés, du docteur à l'ouvrier sous le sweet même étendard. On traverse et surmonte les périodes noires. Coude à coude, soudé, guidé par l'espoir, yeah. Avec ferveur on écrit notre histoire à chaque victoire. Car nous sommes une armée qui unirait unis de zézé des démunis. Une armée sans fusil, sans usine, ou seul le très haut puni. C'est lui qui dit quand c'est fini, notre foi en lui nous définit. Comme on dit chez moi, c'est vive qui n'y sait. Tell them again and again and again. Easy Kenanga comme again. Tous les blacks, les beurs et les blêmes. Non, non, non, y'a pas de problème. Okay. Sur le rythme, je me déchaîne. Pas la peine que tu te ramènes avec ta haine, avec tes gènes. Ici, on aime les veines et scènes. Again and again and again. Blacko, I come again. Tous les blacks, les beurs et les blêmes. Non, non, non, y'a pas de problème. Okay. Sur le rythme, sur les chaînes. Pas la peine que tu te ramènes avec ta haine, avec tes gènes. Tell them. Yeah. Elle t'aime, elle, elle. On fait de la musique sans problème. Regarde, je plane comme un ULM. Et je peux te faire oublier la grisaille de ton HLM. Oh, oh, oh. C'est pour les frères qui sont là. J'en place une pour tous ceux qui sont autour de la bleuta. Oh, oh, oh. Un freestyle pour toi et toi. Et j'espère que tu as aussi kiffé toi qui es chez toi. Ouais, hey, hey, hey, hey. Un planète avant tout de détente, tu le sais. Blacko Easy Kenanga, ensemble on vient chanter. Hey, hey, hey. naître en toute calmitude et tu le sais. Ouais. Oh, ah, ah, voilà, comme ça même. Dans l'unité, n'oubliez pas le synonyme, il y aura la dualité. Et toi-même, tu sais qu'on est là et toujours on est motivé. Oui, on est mobilisé. C'est tous ceux qui écoutent, oui, oui, qui sont visés. Et cet album, je l'ai écrit avec le cœur et puis l'esprit. Je m'en fous, écoute-le si tu ne peux pas y mettre le prix. Partage-le, fais-le écouter. Comme ça, les ennemis sont dégoûtés. Faut positiver. Faire passer le message, car c'est important. Faut positiver. On chante pour les futures générations. Faut positiver. Dans ces temps de crise, regarde. Faut positiver. Black O' Lion Bird, ici Kenenga Street. Yeah. À l'instant en live. Ouais, il manquait plus qu'un petit feu de bois et on était, on était bah, bien. Déjà, on était bien en tout cas. C'est marrant parce que j'ai reçu un message de Big Flo et Oli qui sont sur leur tournée, qui vous saluent d'ailleurs, qui disent bah, big, big up à eux. Merci. Big up à eux, Big Flo et Oli. Voilà, petite dédicace sur, sur cette nouvelle génération du rap français, justement, voilà, qui apporte aussi une vibe un peu. J'aime bien eux parce qu'ils emmènent leur truc à eux. Ouais, ils sont pas en train de plagier un tel ou un tel. Ils arrivent à... Ça me rappelle nous en fait, tu vois, le premier album. Donc big up à eux, voilà, ça fait du bien qu'il y ait des couleurs comme ça dans le rap. Et puis ça fait du bien de vous avoir écouté parce que c'est vrai que quand on en parle un petit peu hier, mais quand tu mates les infos en permanence, j'ai l'impression que voilà, les gens peuvent pas s'entendre en permanence, mais que de temps en temps il faudrait donner peut-être un peu plus de choses positives comme vous l'avez fait ce soir en live. Yes. Et c'est plus difficile d'être positif que d'être négatif, tu vois. C'est pas pour ça, positivité. Ça c'est simple de diviser les gens en tout cas, ouais, c'est sûr. Yes, voilà. Merci à vous, merci Izzy Kenanga. Vraiment merci. Vraiment Blacko pour l'invitation, merci beaucoup. Donc on attend le morceau maintenant en commun. Ça arrive, ça va arriver. À suivre. Et puis le 4 décembre à la sortie de ton live du DVD de l'Olympia. Pour découvrir Izzy Kenanga. Connecté, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Rappelle où est l'adresse pour. Alors c'est @esykae2nenga. Allez cliquer, allez le retrouver. Merci vraiment en tout cas merci pour ce soir. Merci à Blacko. Yes, merci. Terrible. Ça a fait du bien. On va revenir demain évidemment, mais juste avant, on fait tourner la roulette. C'est parti. Allez, let's go. Skyrock t'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoupha. Youssoupha. Plus ton kit de fringues pour aller au concert. Julia de Lille, comment ça va Julia? Je vais très bien, je vous écoute, je mate le live, c'est super. Ouais, t'es en train de mater aussi le live, les images sont sur skyrock.fm, sur l'appli. C'était bon, hein? C'était bon là, hein, Julia? Le son est génial. On attend avec impatience Big Up Blacko, Big Up à ton équipe. Blacko, on attend c'est le 6 novembre, ouais, pour la sortie, Julia. Le 6 novembre, il n'y a pas de problème, on sera là. Elle est rendez-vous dire, le Julia, 6 novembre. Elle est en train de dire qu'elle a kiffé le live. Est-ce qu'il vient sur Lille? Alors je suis en train de regarder, il y a Wany, ça doit être dans le Nord, non Wany? Lille. Bah Lille, je vois pas. Voilà. C'est place à la géographie là. Attendez. Alors. Non, il y a Wany. Wany, à mon avis, c'est. Ah, peut-être dans l'Est. Attends, c'est où Wany? Wany. Ah non, Wany. Je veux pas dire de conneries moi. Attends, je vérifie tout de suite. C'est en France. C'est en France. On descendra le voir à Paris à la Cigale. Mais sinon, je pense que tu veux passer aussi par Lille à un moment, non? Ouais, je pense. Ouais, non, je descends souvent sur Paris, on sera à Paris à la Cigale. C'est dans le Pas-de-Calais, Wany, donc j'étais pas très loin non plus. Voilà. Pas-de-Calais. Ah bah voilà, ou Paris à la Cigale. Ok, bah avec plaisir en tout cas. Julia, en attendant, tu es prête à faire tourner la roulette? Merci, big up à toi aussi. Autre gros concert, autre grosse tournée, celle de Youssoupha qui veut pas se prêter chez toi d'ailleurs à Lille. Hein. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi. Ils font du bruit à cause de moi. Julia, c'est fait? Ouais. Parfait, tu pourras garder ta voix et chantonner pour Youssoupha, c'est à Lille, près de chez toi. Génial. Ça arrive, et des fringues aussi, what the fuck, qui vont avec. Il y a le petit débardeur, la casquette. Génial. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Grand merci à tous. Passez une bonne soirée. C'est génial. Et bon, on te fait des bisous. Merci, bonne soirée. Gros bisous. Salut Blacko. Merci à Blacko. Merci à Izzy Kenanga qui était là. Merci à Rise. Merci à vous. Qui était là comme chaque soir. Toujours là-bas. Petite dédicace à Dognes. On peut faire deux, trois petites dédicaces à la volée. On y va. Dédicace pour Coswell. Pour Ruben, La Saleté, Le Dricos, tous les gens qui sont là, on va pas faire un par un parce que ça va être un peu long. Les gars du TX aussi, Deuil Montmagny, le secteur par là-bas, le Pacho, tout ça, on n'oublie pas, le Farid, le Defray, etc. Ce que j'oublie, excusez-moi. Et spécial pour Babouche, Madia, Jaya et Alaya qui sont en train d'écouter. Ah ouais. Bah oui. Je sais pas s'il voit quelque part là. Si, il voit là, regarde, bisous. Tiens. Voilà. Bisous de papa. Yeah, voilà. Gros big up à Jazzy, Bakar, toute l'équipe, Doc Ness, Kellal, Daron. Qui sont aussi les enfants de Rise. Hein. Il a pas compris la fête. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est pas mes enfants encore. Non. Et voilà quoi, gros big up à tout le monde. Et continuez d'écouter Sky et d'écouter, allez acheter l'album de Blacko. C'est 6 novembre, ouais. Et iTunes, peut, ouais. C'est maintenant. C'est vrai qu'on peut y aller maintenant. Il y a 4 morceaux tout de suite si on précommande, donc voilà, allez-y. Ouais. Hendrikos, c'est maintenant. C'est now. Depuis tout à l'heure, merci. Mais si je peux me permettre, big up à chez moi, Madinina. Ah, voilà. Big up la Réunion aussi, la Guadeloupe, partout. La Nouvelle-Calédonie, all around the world. Caribbean. Saint-Pierre et Miquelon. Big up à tous ceux dont on ne parle pas dans les médias. C'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas, merci à vous tous. On va retrouver D-Fool. Maintenant, on est un peu à la bourse, je suis désolé. Pas grave, Fredo, on est là. Bravo, Alex. J'étais emporté par la vibe. Ah bah bravo. Salut Blacko, salut tout le monde. Salut, coucou. Salut. Eh bien oui, vous l'avez dit, il faut rester sur Skyrock. Mais restez bien sur Sky, ouais. On arrive tout de suite. Radio Libre 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous voulez faire comme nous. Vous retrouvez en direct sur Sky dans 2 minutes. C'est parti. Merci Fred, bravo. Merci Blacko. Salut, salut. Rendez-vous demain. À demain, ouais. Et à demain tout le monde. Et un petit Nekfeu là pour démarrer la soirée. Nekfeu qui est, il est ce soir lui, à, parce que ça tourne de partout. Ouais, hein. Ouais, c'est à Bordeaux, je crois. C'est à Bordeaux, ouais. Bien vu, Fredo. Vous avez vu sa nouvelle coupe de Nekfeu? Beau gosse. Non, il a fait quoi? Il est tout blond. Il est blond? Eh oui, c'est platine, ouais, c'est platine. Comme une Barbie. C'est sympa. Tu le diras la prochaine fois. Non, mais voilà. Je vais voir. Peut-être que ça lui va très bien. Ah, ça lui va très bien, évidemment. Ah, bon, d'accord, ok. Bon, Fred, t'as tellement bon goût que. Je pense que je vais bientôt me lancer dans la teinture. Ouais, c'est Fred Provost ou. Ouais, c'est ça. Ouais. Fred David. Bon, bah, dans un instant, Nekfeu, on le retrouve avec sa nouvelle coupe et en direct sur Skyrock. Et je vous envoie Momo qui est totalement déchaîné, qui monte les scores de foot. Ouais, il y a un 0 pour le Zénith contre Lyon. Et qui est là, il tremblote sur sa chaise, le Momo. Il est déchaîné. Donc je vous l'envoie. Eh ben on en parle tout de suite. Merci. Le foot à suivre, vous tous en direct, Radio Libre. Si vous avez un truc à dire, profitez. Le 41759, l'appli Skyrock et le son de Nekfeu tout de suite. C'est parti. Salut Fred. Ciao. Ciao Blacko. Skyrock t'offre la tournée du nouveau.